Ils disent que dans les années à venir, dans les années 80, les années 90, la vie va être tellement pénible pour l'homme. Tellement pénible pour l'homme. Que ça va être très, très important pour l'homme conscientisé de s'organiser avec très grande intelligence sur le plan matériel. Très grande intelligence. Ça va être bien plus pénible que vous pensez. Ils ne veulent pas que l'homme conscient soit d'aucune façon obligé au système social de la cinquième race. Alors, ils veulent le rendre totalement indépendant. En relation avec, mais totalement indépendant. C'est pour ça qu'ils disent la terre, c'est bien important. Vos maisons, c'est bien important. Personne ne peut vous déloger de vos maisons. L'organisation, ils savent ce qu'on aura de besoin demain pour vivre. Mais ce sera toujours l'individu qui déterminera le rythme d'évolution de l'homme de la sixième race. Tout l'homme, c'est l'individu lui-même. Puis ça, ça fait partie des données qui sont en chacun de soi-même, chacun de nous-mêmes. Le microsocial, c'est un entendement amené au niveau de la matière. Libre totalement de forme psychologique. C'est une dimension de vie matérielle qui ne peut pas facilement s'expliquer au monde, qui ne peut pas facilement s'expliquer, s'interpréter à des gens de la cinquième race. C'est pour ça que les gens parmi vous autres qui font partie du directoire et qui s'occupent de m'aider à monter ceci, à un certain moment, peuvent pas aller plus loin, puis c'est pour ça qu'à un certain moment, je suis obligé d'expliquer et de donner l'information à des professionnels, à des experts, pour qu'eux autres puissent légaliser ce que l'on fait. Alors, ça devient trop compliqué. Les hommes n'ont pas encore suffisamment le pouvoir de la parole. Le microsocial, c'est un point, aujourd'hui, un petit point sur la surface de la planète, mais qui n'est pas perçu par la cinquième race. Les gens ne seront jamais conscients du microsocial. Les gens conscients. Ils sauront que ça existe, le microsocial. Parce que c'est tellement intelligent, le microsocial, que ça ne se pense pas. C'est pour ça que les gens ne pourront jamais le repérer. C'est pas repérable. C'est comme une cellule greffée à un corps. Mais une cellule extrêmement puissante qui agira avec les siècles sur le corps et le transformera ce corps. C'est ça le microsocial. Pourquoi le microsocial commence-t-il, est-il établi dans la province de Québec? Parce que dans la province de Québec, il y a de la pauvreté psychologique. Et ce qu'il veut dire par de la pauvreté psychologique, c'est que dans la province de Québec, les hommes, les masses, n'ont pas le moyen, bien qu'ils aient les structures matérielles, de s'aider. Et comme ils n'ont pas le moyen de s'aider, les hommes, le microsocial permettra éventuellement que de l'ordre soit mis dans le désordre psychologique de la province au cours des années à venir. De sorte qu'éventuellement la province de Québec deviendra un centre social, économique, politique d'importance majeure au 21e siècle. Mais il y a des failles, énormément de failles dans la conscience politique et économique de cette province, suffisamment de failles pour que ces failles servent à l'organisation et au développement d'une société micro-socialisée. Ils disent que nous avons autant d'idées vis-à-vis de micro-social que nous avons d'intelligence. Alors, plus nous avons d'intelligence, plus nous avons d'idées, mais les idées ne sont que des formes. Et les formes ne sont pas le micro-social éventuel. Les formes ne sont que des mécanismes pour canaliser notre énergie, pour nous faire avancer, pour que se développe sur le plan matériel le micro-social. Et c'est important pour nous autres de réaliser ceci parce que nous ne devons pas nous attacher psychologiquement au micro-social. Le micro-social, ça fait partie de nous autres, ça fait partie de notre vie intérieure intelligente. Ce n'est pas une greffe, ce n'est pas une philosophie ou une imposition extérieure. Ça grandira dans chaque homme qui se conscientisera. Et ça portera les fruits que ça devra porter selon son degré d'intelligence, de sensibilité intérieure, ainsi de suite. Ses aspects caractériels, ses aspects de tempérament, ainsi de suite. On ne doit pas s'occuper, nous autres, les hommes, du micro-social. Pas plus que la fleur s'occupe, elle, de croître. Elle croît. Elle contient les éléments pour croître. Son soleil, c'est notre intelligence. On en parle du micro-social pour en délimiter le territoire, pour en comprendre les contours, afin d'en connaître les dimensions en contradistinction de notre psychologie d'homme de la cinquième race. Afin que nous puissions devenir plus intelligents de nous-mêmes et donc plus intelligents du micro-social. Ils disent qu'il n'y a pas de séparation entre le micro-social et l'homme supramental. Un va avec l'autre. Autant l'homme inconscient de la cinquième sous-race, il n'y a pas de séparation. Autant il n'y a pas de séparation entre la plante et le développement du corps astral. Autant il n'y a pas de séparation entre le micro-social et le développement de la conscience supramentale. Un va avec l'autre. Pour le moment, il y a encore séparation parce que nous avons suffisamment conscience et mémoire de l'ancien système et nous ne sommes pas encore totalement intégrés dans le nouveau. C'est ce qui crée la séparation, c'est ce qui crée le problème de confiance, c'est ce qui crée le problème de perception à longue échelle. Mais ils disent que c'est simplement un facteur de temps. C'est avec le temps que ça va s'ajuster, ça. Et cet ajustement fait partie du développement de notre intelligence. Nous devrons éventuellement et nous pourrons éventuellement en comprendre tous les aspects du micro-social. Mais toujours à des échelles qui seront proportionnelles à notre tempérament et à notre caractère. Sans ça, ça nous créera trop de tension, de recevoir trop d'informations à trop longue échelle. Il y a des gens qui se posent la question, ben moi je m'intéresse à ci, moi je peux faire ça, je peux-tu faire ça dans le micro-social? Vous perdez votre temps. Vous fatiguez l'esprit pour rien. Parce que les hommes qui font partie du micro-social sont déjà comptés, sont déjà sus. Leurs capacités, leurs talents sont déjà connus. Et ces choses, ces aspects de leur personne seront utilisés en temps et lieu dans le micro-social. Il y a des hommes parmi vous autres, des femmes parmi vous autres qui sont capables de faire certaines choses dont ils n'ont pas encore conscience aujourd'hui. Fait que cassez-vous pas la tête avec ce que vous pouvez faire demain dans le micro-social. Occupez-vous de faire vos affaires aujourd'hui dans le social que vous connaissez. C'est pas une course de micro-social. Ça a son temps. Et ça commence en 1984. Ça se clarifie en 1984. Ça commence lentement aujourd'hui. C'est important en 1984. Le micro-social doit se vivre, doit se penser, doit se créer par ceux qui font partie de micro-social. Le micro-social ne peut pas être supporté par un homme. Il peut être dirigé par un homme dans son évolution, mais il ne peut pas être supporté par un homme. Ce serait trop lourd. C'est pour ça que les gens qui seront en position dans le micro-social le seront en fonction de leur qualité intérieure, de leur qualité intelligente, de leur expérience, ainsi de suite, de leur mémoire, de tout ce qui fait partie d'eux autres. Et il n'y aura pas de poids. Faut pas qu'il y ait de poids. Faut que ce soit totalement facile. Mais pour que ce soit totalement facile, il faut que ce soit totalement intelligent. Ça veut dire qu'il faut que les gens dedans soient totalement intelligents. À leur niveau. À leur plafond, mais à leur niveau. Un des aspects du microsocial qui ne sera pas expliqué pendant un certain nombre de mois, c'est l'aspect qui convient à la sécurité des gens à la fin du siècle. Les gens à la fin du siècle qui vivront des événements de différence créeront lentement, pour la fin du siècle, des conditions de vie futures avant le passage électrique, permettant à leur enveloppe matérielle d'être sécure et de ne pas être affectée par les conditions politiques, économiques ou physiques de la planète. C'est une des raisons pour laquelle l'homme qui entre dans le microsocial devra avoir un esprit très, très, très rendu intelligent ou rendu très intelligent. Parce que l'homme sera obligé de poser des gestes qui lui serviront dans 10 années et qui ne le serviront pas tout de suite. Il y aura des gestes comme ça. Exemple, à un certain moment, le microsocial, le directoire peut décider d'acheter 5 000 acres de terre quelque part dans une jungle en Amérique du Sud. Exemple. Si vous cherchez la raison, la logique aujourd'hui, ben, évidemment, vous allez vous perdre dans les conjectures. Si vous regardez en fonction de demain, à ce moment-là, vous verrez pourquoi demain, ça nous aura servi. Mais malgré les aspects à longue échéance ou à long terme du microsocial, les aspects sur lesquels nous concentrerons seront les aspects qui seront les plus près de nous autres, de notre vie personnelle aujourd'hui, pour les années 80. Le microsocial engendrera dans ceux qui commenceront à le sentir une sorte d'anxiété. Parce que il n'y aura pas encore d'établi en eux la vibration du rayon en accord avec leur intelligence. De sorte qu'ils ne seront pas capables suffisamment de comprendre ce dans quoi ils s'en battent ou ce envers quoi ils s'en vont. Et cette anxiété durera un certain nombre de mois, voire même un certain nombre d'années. Mais ceci fait partie de l'ajustement du corps mental supérieur avec le corps mental inférieur pour que l'homme éventuellement en arrive à être totalement bien dans sa peau à l'intérieur de cette condition de vie créative, nouvelle, sous le contrôle de l'homme conscient. C'est pourquoi les rapports entre les gens doivent être extrêmement harmonieux au cours de cette évolution et au cours des rencontres qui seront faites à l'intérieur de l'association. Parce que lorsque l'association sera établie, c'est à partir de ce moment-là que seront discutés les plans d'évolution du microsocial. Et lorsque les gens seront à l'intérieur de l'association, à ce moment-là, il y aura certainement des ajustements à faire, mais à ce moment-là, les gens devront et seront obligés, pardon, de réaliser que les êtres ou les gens qui sont avec eux à l'intérieur de ce cercle, parce que c'est un cercle, ils le seront pour un bon bout Et à partir de ce moment-là, ça deviendra de plus en plus nécessaire aux gens de se connaître, de se comprendre, de parler et de développer une relation suffisamment intime pour voir jusqu'à quel point ils peuvent être en harmonie vibratoire avec eux. Tant que l'association n'est pas fermée, il y a une vibration qui manque à l'élucidation ou à la compréhension du microsocial parce que nous ne pouvons pas organiser, nous ne pouvons pas mettre en demeure cette énergie créative qui est puissante. Nous ne pouvons qu'être convoquée à en entendre des aspects, mais nous ne pouvons pas travailler avec elle. Mais une fois que l'association sera formée, à ce moment-là, nous serons obligés lentement de commencer à travailler avec cette énergie et automatiquement à rencontrer des gens qui ne sont pas nécessairement parfaitement harmonisés encore avec nous. Et ceci créera une chose très importante dans le micro-social. C'est que ça élèvera la tension vibratoire entre les gens et c'est de cette tension vibratoire qui éventuellement sera ajustée au cours des années que se développera le pouvoir psychique de la sixième race. Autrement dit, la sixième race, l'homme, développera les pouvoirs psychiques de son être en relation et en fonction de sa capacité de s'ajuster vibratoirement au niveau de l'ego avec l'autre homme de cette même génération. Les pouvoirs psychiques de l'homme de la sixième race seront le produit de du concordat vibratoire entre les hommes et non pas le produit d'un développement soudain et autonome chez un individu. Je le répète dans un autre sens. Les pouvoirs vibratoires de la lumière, qui deviendront les pouvoirs psychiques de l'homme, seront le produit de l'accroissement de l'attention. De l'attention entre les individus qui feront partie au début de cette association, parce qu'une association sera essentielle au début pour marquer les limites du corps matériel, de ces hommes. Et c'est l'ajustement entre ces corps, entre ces individus, qui créera le psychisme de la sixième race. C'est pour ça que dans la conférence, quand je parlais ou j'expliquais l'importance du respect entre les hommes, c'est en fonction de ceci demain. Parce que les hommes qui ne pourront pas se supporter les uns les autres souffriront de ne pas être capables de se supporter. Parce que ne pas être capable de se supporter dans un laps de temps limité, pas tout le temps, mais dans un laps de temps limité où on se rencontre, où on travaille ensemble, sera un indicateur de l'incapacité d'un individu d'absorber l'énergie d'un autre individu pour transformer son astralité en énergie mentale qui deviendra demain le siège de son pouvoir psychique. Autant l'homme inconscient est exclu du pouvoir psychique ou du pouvoir vibratoire de la lumière, autant l'homme conscient sera inclus dans cette énergie. Mais autant il sera obligé de vivre selon des lois qui sont totalement des lois différentes des lois de l'astral. Un homme aujourd'hui qui veut développer des pouvoirs peut les avoir à partir de l'astral en relation avec son égocentricité. Mais dans la sixième race, un homme ne peut pas atteindre des pouvoirs à partir de l'astral. S'il a des pouvoirs à partir de l'astral, ils seront détruits ces pouvoirs-là, puis éventuellement d'autres pouvoirs seront reconstruits sur la fondation de l'autre ou des autres. Et c'est pourquoi la relation entre les hommes est extrêmement importante dans le micro-social. Parce que c'est cette relation qui sera la force du micro-social et qui aussi sera le point de rencontre de deux vibrations individuelles sous le contrôle d'une énergie synthétisante qui est la lumière. L'homme de la sixième race est totalement fraternel de l'homme de la sixième race. Fraternel, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans le même esprit, étant tous les deux dans le même esprit, ils composent tous les deux la même énergie de l'esprit. De sorte qu'éventuellement, à cause du développement de la clairvoyance, certains hommes pourront sentir la maladie d'un autre, mais ils n'en souffriront pas. Mais pouvant la sentir, ça leur permettra d'aller la guérir. Mais ils n'en souffriront pas, parce que leurs perceptions extrasensorielles seront au niveau du corps éthérique et non au niveau du corps astral. Alors, l'homme de la sixième race, l'homme conscient, est automatiquement fraternel de l'autre homme. Mais fraternel dans un sens que l'homme ne comprendra qu'avec le temps, lorsqu'il sera lui-même ajusté dans l'universalité de sa conscience avec l'autre, ainsi de suite. Ce n'est pas fraternel dans le sens des francs-maçons des sociétés ésotériques, où la fraternité devient une sorte d'avantage psychologique pour le développement d'une alliance spirituelle pour l'effondrement d'une conscience individualisée. La fraternité entre deux hommes devient automatiquement un pouvoir sur la terre. Et la fraternité entre plusieurs hommes devient l'établissement sur la Terre d'une puissance qui est totalement invisible, hiérarchique, hiérarchisée, éthérique et éventuellement ayant le pouvoir de se matérialiser dans la matière à cause du médium énergétique créé par ces hommes fraternisés dans une conscience unitaire. Très important, la relation entre les hommes et le respect. L'homme s'apercevra que tous les aspects qui lui sont expliqués à l'intérieur d'une instruction convenant à la formation éventuelle d'une société consciente, tous ces aspects sont occultes. C'est-à-dire occultes dans le sens que c'est avec le temps que l'homme en découvre toutes les conditions et toutes les nécessités. Ce n'est jamais psychologique. Le respect, pour moi, ce n'est pas psychologique. Et quand le respect cesse d'être psychologique et devient totalement vibratoire, c'est à ce moment-là qu'il y a échange entre deux personnes et c'est à ce moment-là que les mécanismes vibratoires de la micro-société se forment, s'étendent. Et ça s'étend à l'infini, comme une mousse sur un terrain humide. C'est très puissant, une micro-société, dans le sens qui est donné par l'Institution mondiale de l'homme. C'est très puissant. Une race racine. Une race racine, c'est très puissant. C'est la très longue haleine. Nos civilisations aujourd'hui découlent de l'activité de sept rishis aux Indes, au Tibet, il y a des milliers d'années. Très puissant, une race racine. Il y a un problème avec les gens en ce qui concerne leur relation avec ma personne. C'est que les gens, beaucoup de gens, ne sont pas capables de se lier à ma personne dans un sens égalitaire, dans un sens universel. Il y a des gens qui ont tendance à me mettre sur un piédestal. Et ça, c'est très mauvais pour eux. C'est très mauvais pour eux parce que ça les force à ne pas être capables de s'ajuster à ma vibration et automatiquement d'élever leur vibration. Si les gens me mettent sur un piédestal, ils diminuent automatiquement leur psychisme parce qu'ils créent en eux de l'émotivité et des formes émotives et astrales qui alourdissent leur intelligence et qui leur empêchent de prendre conscience de leur intelligence. Comment voulez-vous qu'on travaille ensemble et qu'on exécute ensemble si on n'est pas capable d'être ensemble? Et si vous me mettez sur un piédestal, on n'est pas ensemble. Moi, je suis quelque part, vous autres, vous êtes en dessous. C'est pas intelligent. C'est totalement subjectif et c'est totalement psychologique. Je suis bien quoi, je suis bien fin, je suis bien intelligent, je suis bien clairvoyant, mais c'est pas une raison pour les gens de ne pas réaliser qu'on est dans la même eau. Et la même eau, c'est la même intelligence. C'est ça qui détermine notre relation. Ce n'est pas ma capacité de grande sensibilité à cette énergie. Et si ces gens-là persistent trop à être ou à me voir ainsi, ils vont s'empêcher de me rencontrer, de me parler, et automatiquement vont s'empêcher de recevoir de l'information que je peux leur donner pour les aider. Automatiquement, ils retardent leur évolution. Vous vous mettez sur un piédestal, vous retardez votre propre évolution. C'est votre problème. De l'autre côté, ça ne veut pas dire de m'emmerder tout le temps non plus. Il faut que je respire. Mais c'est interne. Quand je dis que l'homme doit en arriver un jour à ne plus travailler, je veux dire ceci. Je veux dire qu'un jour, l'homme doit en arriver à être suffisamment organisé pour pouvoir parfaitement s'organiser. Et lorsque l'homme se sera parfaitement organisé, il pourra parfaitement vivre. À ce moment-là, il ne travaillera plus. Mais pour que l'homme puisse parfaitement s'organiser, il faut qu'il soit parfaitement dans son intelligence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit parfaitement dans son intelligence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit conscient, suffisamment conscient de son intelligence, pour bénéficier de ce qu'il sait, de ce qu'il pense créativement. C'est très facile pour l'homme de se parfaitement organiser sur le plan social. Autant c'est dur pour la cinquième race, autant c'est facile pour la sixième. Parce que les conditions d'intelligence sont totalement différentes et la psychologie est différente. De sorte que l'être-té de l'homme est totalement régi par des lois différentes. De sorte que les conditions de la société de la cinquième race ne peuvent pas se manifester à l'intérieur d'une race nouvelle, d'une race racine. Il y a une coupure totale. Et c'est justement la coupure totale qui donne à la nouvelle race un essor particulier et une orientation qui est totalement nouvelle et qui peut être facilement compris par ceux qui font partie de cette race. Le travail au cours des années pour vous dans la cinquième sous-race deviendra extrêmement pénible, de plus en plus pénible. Non pas parce qu'il ne sera pas intéressant votre travail. Votre travail peut être très intéressant, mais parce que dans vos relations humaines, il n'y aura plus de chaleur. Vous verrez trop, vous sentirez trop, vous percevrez trop dans l'ego des autres, vous verrez trop à travers les personnalités des hommes, et éventuellement, vous n'aurez plus la résistance de travailler avec les hommes d'une race inférieure en intelligence. C'est à ce moment-là que vous chercherez en vous-même la solution à votre problème, qui deviendra la solution du problème de tous les hommes qui se conscientisent et qui doivent échapper au bourrasque de la cinquième sous-race. Il y a une chose que l'homme ne réalise pas, c'est que l'homme ne réalise pas qu'il n'a pas besoin de manger de la merde sur la terre. L'homme n'a pas encore réalisé ça. L'homme n'a pas réalisé qu'il ne doit rien à l'homme. C'est très dur pour un homme de réaliser qu'il ne doit rien à l'homme, qu'il ne doit rien à personne. C'est très dur, parce qu'on lui mettra toujours sur le nez. Ben oui, tu nous dois ci, tu nous dois ça, tu nous dois ci. L'homme ne doit rien à personne. La fonction de l'homme, c'est de créer lorsqu'il est capable de créer. Il est. Et tant qu'il n'est pas capable de créer, là, à ce moment-là, il doit parce qu'on lui donne des miettes. L'homme ne doit rien à personne. Mais pour que l'homme puisse en arriver à ne pas devoir rien à personne, il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour créer une condition parfaite qui neutralise complètement ses rapports avec la société inconsciente. C'est la seule condition que l'homme ne peut rien devoir à personne. Et s'il donne à quelqu'un, ou s'il donne à quelque chose, c'est pour maintenir l'équilibre entre sa relation inférieure et sa relation supérieure. L'équilibre entre la cinquième et la sixième race. Jusqu'à temps que l'homme passe dans l'éther. Parce que tant que l'homme n'aura pas accès à l'éther, et que les conditions de vie ne seront pas totalement sous le contrôle de la lumière, l'homme sera obligé de maintenir un équilibre entre la cinquième et la sixième sous-race. La sixième race. Autrement dit, il devrait y avoir un équilibre entre le micro-social et le social. Mais l'homme n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est de l'intelligence parfaite. De l'intelligence parfaite, c'est de l'intelligence qui ne fait pas d'erreur. Mais pour que l'homme puisse s'allier à de l'intelligence qui ne fait pas d'erreur, il faut qu'il soit suffisamment intelligent. Parce qu'il n'est pas, s'il n'est pas suffisamment intelligent, il ne pourra pas comprendre la subtilité de l'intelligence parfaite. Et automatiquement, il ne pourra pas se lier à cette intelligence, il ne pourra pas travailler avec elle. Il ne pourra pas réaliser qu'il fait partie d'elle, qu'il est un avec elle, qu'elle est universelle, cette intelligence, et qu'elle coordonne toutes les activités de l'homme pendant des siècles. Et comme l'homme a vécu pendant des siècles et des millénaires l'involution, et qu'il a vécu une conscience totalement expérimentale, il est incapable de s'imaginer de vivre d'une conscience créative. Et il ne peut pas vivre d'une conscience créative parce que sa conscience expérimentale est encore trop présente dans sa vie personnelle, dans sa vie journalière, dans sa vie quotidienne. L'homme est toujours dans une conscience expérimentale. Il fait toujours expérience de la vie à un niveau ou à un autre. Et un jour, l'homme doit cesser de faire l'expérience de la vie et de la créer, la vie, dans sa forme la plus matérielle, qui est l'expression physicalisée de sa conscience sur le plan physique. Les les anciens ont idéalisé la vie parfaite parce que les anciens ne pouvaient pas comprendre possiblement ce que peut dire la vie parfaite. Donc, la vie parfaite est devenue une forme d'idéalisme, l'idéalisme étant une caractéristique de la philosophie. Mais l'homme de la sixième race vit et doit vivre une vie parfaite, c'est-à-dire une vie à l'intérieur de laquelle il est totalement en équilibre, mentalement, émotivement, physiquement. C'est ça une vie parfaite. Et dans une vie parfaite, il n'y a aucune préférence pour le bon ou le mauvais. Tout est créatif dans une vie parfaite. Il n'y a plus de dualité, c'est de la créativité, c'est de l'intelligence en manifestation. C'est pour ça que les gens qui feront partie du micro-social, lorsque le mouvement sera commencé, lorsque l'organisation commencera à se mettre en branle, seront éblouis par la facilité d'engendrement des structures du micro-social. Et c'est à ce moment-là qu'ils diront, ça fait longtemps que je pense à ça. Mais c'est à ce moment-là qu'ils réaliseront aussi que ça ne peut pas se créer ça, tant que ce n'est pas le temps. Il y a beaucoup d'hommes qui ont pensé, qui pensent idéalement à une société qui est parfaitement sous le contrôle des hommes, de leur intelligence. Mais de là, la créer, cette société-là, c'est une autre paire de manches. Et l'homme ne pouvait pas la créer, cette société-là, tant qu'il n'avait pas compris le rôle de l'intelligence dans la vie de l'homme et la relation entre l'intelligence et la vie de l'homme et qu'il n'ait pas effleuré le grand dilemme de l'humanité, celui de penser que c'est lui qui pense. Et celui de ne pas reconnaître que les événements dans sa vie sont, ils font partie d'une programmation qui est déjà prédestinée à un plan de vie ou à une destinée, selon le code de leur conscience. Et une autre raison pour laquelle l'homme n'a jamais été capable de créer une société parfaite, c'est parce que l'homme s'éblouit de lui-même lorsqu'il crée quelque chose d'avantageux. Et l'homme ne devrait pas s'éblouir de lui-même parce qu'aussitôt qu'il s'éblouit de lui-même, il coupe en lui l'intelligence. Un homme devrait être capable de créer, de construire infiniment des choses qui lui rapportent sur le plan de l'évolution humaine sans pour cela qu'il s'éblouisse et qu'il canalise simplement d'énergie en ne jamais réfléchissant sur cette énergie. Elle est là la condition de l'homme, de la nouvelle race. Mais ça, ce sont des conditions qui, petit à petit, deviendront avec nous familières, parce que ce sont des conditions qui, avec le temps, seront ajustées dans notre conscience. On ne peut pas être plus conscient demain qu'on l'est aujourd'hui. On ne peut pas demain créer tant qu'on n'a pas compris vibratoirement ce que l'on est créativement. Il faut que les hommes comprennent ce qu'ils sont créativement. Et ça fait partie de la conscience de l'homme. Ça fait partie du pouvoir de l'homme. Ça fait partie de sa manipulation des formes. L'homme doit manipuler des formes, ne jamais être prisonnier des formes. Parce qu'en manipulant des formes, il manipule de l'énergie. Mais pour qu'il puisse manipuler sa propre énergie, la canaliser sa propre énergie, il faut qu'il soit libre. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de problème de confiance vis-à-vis de lui-même, parce que s'il a un problème de confiance vis-à-vis de lui-même, il aura un problème de confiance vis-à-vis des autres. Les gens qui n'ont pas confiance aux autres, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. La confiance n'est jamais un objet, elle est toujours un sujet. Quand une personne manque de confiance envers une personne, c'est parce qu'elle manque de confiance envers elle-même. Elle subit automatiquement le renvoi de sa propre lumière dans son propre miroir égocentrique. Une personne qui est en confiance d'elle-même ne manque pas de confiance envers les autres. Elle peut très bien voir le jeu des autres, mais elle ne manque pas de confiance envers les autres parce qu'elle ne peut jamais être détruite dans sa confiance envers elle-même. Elle a toujours le contrôle de sa destinée. Elle a toujours l'option. L'homme conscient a toujours l'option. Toujours. L'homme conscient ne perd jamais rien. L'homme inconscient perd constamment. L'homme conscient ne perd jamais rien, il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas de réflexion. Alors, les gens qui n'ont pas confiance aux autres sont des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Il y a des gens qui ont confiance aux autres et qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est le même mal, mais renversé. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous avez confiance aux autres. Ça aussi, c'est problématique. Et le problème de confiance sur la Terre aujourd'hui, il est maximalisé, c'est-à-dire qu'il a atteint son point optimal de défaillance. La confiance n'existe plus entre les hommes parce que les hommes n'ont plus confiance en eux-mêmes. Pourquoi les hommes n'ont plus confiance en eux-mêmes? Parce que les hommes, d'une façon très subliminale, sont incapables de se servir à volonté de la créativité organisatrice du système social dans lequel ils viennent. Le manque de confiance qui existe dans l'homme aujourd'hui, il est le produit chez l'homme de son incapacité d'avoir complètement confiance dans le système social qu'il a créé. Mais l'homme ne peut pas changer le système social. C'est lui-même qui doit changer. Et lorsqu'il change, à ce moment-là, il peut se servir à volonté du système social. Parce qu'il a pleinement confiance en lui-même. Et une des grandes qualités, entre parenthèses, de l'homme conscient, un de ses pouvoirs internes, non manifestés, c'est qu'il a confiance en lui-même. Mais une confiance réelle, dans ce sens qu'il est certain de toutes ses actions. Un homme qui est certain de toutes ses actions, il a automatiquement confiance en lui-même. Mais si un homme n'est pas certain de toutes ses actions, il peut avoir une certaine confiance en lui-même. Mais cette confiance peut déroger si à un certain moment, il s'aperçoit qu'il a fait une erreur qu'il ne peut pas comprendre. Il revient encore au problème de son intelligence et au problème de l'indigence psychologique de l'individu. C'est ça que j'ai dit souvent dans l'instruction. Apprenez à ne pas vous questionner. Apprenez à ne pas vous comparer. Apprenez à réaliser que tout ce que vous faites, c'est correct. Même si c'est pas parfait. Si vous n'êtes pas capable de réaliser que tout ce que vous faites, c'est correct. Si vous n'êtes pas capable de réaliser que vos actions sont le produit de votre conscience, en vertu d'un changement vibratoire, d'un ajustement de vos corps, vous ne pourrez jamais apprécier vos êtres. C'est-à-dire que vous ne serez jamais totalement et parfaitement bien dans votre peau. Vous questionnerez toujours votre peau. Puis tant que vous questionnez votre peau, vous serez capable de questionner la peau des autres, surtout la mienne. C'est facile de questionner ma peau. Elle est longue, ma peau, elle va loin. Donc, si vous n'êtes pas dans votre propre peau, évidemment, vous allez questionner ma peau. Si vous questionnez ma peau, vous allez automatiquement être en dehors du micro-social. Alors, l'homme doit être en confiance avec lui-même. L'homme doit ne pas se laisser nuire par ses émotions, par sa subjectivité et ses pensées subjectives astrales qui veulent retarder son évolution et empêcher que se construise sur le plan matériel une société totalement autonome, loin de la domination des forces astrales sur l'homme. Je demande pourquoi l'homme doit-il investir 500 $ par personne pour former, pour créer les structures du micro-social? Et il me répond parce que l'homme n'a pas de pouvoir encore sur la matière. Si l'homme avait aujourd'hui le pouvoir sur la matière, il n'aurait pas besoin de se servir d'une matière inférieure pour créer le micro-social. C'est parce que l'homme n'a pas de pouvoir sur la matière qu'il est obligé d'engendrer ou de se servir d'une énergie inférieure. Jusqu'à temps que l'homme soit dans ce pouvoir d'énergie. Mais à ce moment-là, le micro-social changera d'état. Et l'homme rentrera dans l'état. Si on regarde de près le phénomène de la confiance, on découvre énormément de choses. D'abord, pourquoi l'homme n'a pas confiance facile, naturelle envers l'homme? Pas seulement parce que la société est rendue très inconsciente, mais parce que son esprit n'est pas suffisamment près de son ego. Il y a des gens qui ont confiance, qui ont une sorte de confiance naturelle dans le monde. Ils ne sont pas stupides. Ce n'est pas une confiance aveugle. Il y a des gens qui peuvent facilement donner confiance. Et la facilité ou la capacité de donner confiance, c'est une mesure de la confiance qu'on a en soi. Parce que donner confiance, ça implique deux choses. Donner confiance, ça implique d'abord ne pas être inconfiant envers soi-même. Et deuxièmement, ça implique aussi notre capacité de générosité. Parce qu'une personne qui a confiance ou qui est capable de donner confiance est automatiquement généreuse. Et la générosité, c'est le domaine de l'esprit. La générosité. La générosité n'a rien à faire avec la personnalité. C'est réellement du domaine de l'esprit, la générosité. Et plus un esprit est grand, plus il est naturellement généreux. Plus un esprit est grand, plus il est généreux. Et quand un esprit est grand et qu'il a une plus grande facilité de générosité, il peut facilement ou il peut plus facilement donner confiance. Et automatiquement, comme il se donne confiance ou comme il donne confiance, il lui est rendu confiance. De sorte que, regardez ça, c'est subtil. Un homme qui est capable de donner confiance va recevoir confiance des autres et automatiquement va développer en lui-même confiance.